histoire particulière. Chocolat, praline, bonbons, bûche, meringue, tiramisu, réglisse, glace, gâteau. Ah, je suis une gourmande. Le lèche-vitrine, ça me connaît. Avec un stylo invisible, j'entoure les pâtisseries et autres mets absolument délicieux aperçus derrière la vitre. Non, non, tu n'achètes pas cette brioche, ni la religieuse chocolat. Mais non, un éclair à la pistache, mais non. Mais c'est quoi ça? Un nouveau gâteau au caramel beurre salé? Ça n'est pas raisonnable. Mais si, mais non, mais si. Regarde, c'est équilibré, il y a des fruits dessus, sur la crème. Rien qu'une fois, le petit diable sur mon épaule gauche répond à l'ange de mon épaule droite. Tu ne pêcheras point. Si! Allez, ce sont les fêtes. Je salive, tant pis, je ne tiens plus. Je salive et je rentre dans cette fichue boutique. Cette fois, le petit diable a gagné. Tout de suite, la gourmandise, notre quatrième péché, vu par les yeux brillants de Michel Pomarède et François Teste. Les recettes du plaisir. Écoutez la voix des haricots. Michel Pomarède, François Teste. ご飯が現場で菓子やアイス250個を飲食事務所荒らしを繰り返しながら侵入した現場で菓子やアイスなど250個を食べていた男が窃盗容疑で逮捕されました石川県出身51歳の男は東京と石川県で事務所荒らしを繰り返していました Mars dernier, Tokyo, la télévision japonaise diffuse un fait divers. Et ce fait divers, c'est vous, Guillaume Loiret, qui êtes spécialiste du Japon, qui nous le racontez. Alors le fait divers, il implique un monsieur, effectivement, qui est recherché par la police parce qu'il dévalise des bureaux. Et ce qui l'intéresse visiblement, c'est pas l'argent, ce sont pas les objets, mais c'est la nourriture. Donc ce qu'il fait, ce monsieur, c'est qu'il va directement au réfrigérateur de l'endroit dans lequel il s'est introduit et il mange... en priorité des gelées, des puddings, des cakes et des glaces. Et il va se faire avoir, ce monsieur apparemment ça dure 3-4 ans, ce que dit le journal, et il va se faire avoir parce que, par sa gourmandise, parce qu'il laisse tomber un bâton d'une glace sur le sol d'un endroit dans lequel il s'était introduit. La police a une empreinte ADN, avec les caméras il recoupe, il le retrouve et c'est avec ça qu'il l'arrête. Le surnom de ce voleur? Et ce monsieur, la police l'avait surnommé Sato, donc Sato ça veut dire le sucre. J'aime tous les gâteaux, le baba au rhum. J'aime tous les gâteaux, surtout le baba au rhum. 250 desserts, 40 forfaits entre 2013 et 2017, et l'addition, Guillaume Loiret, elle est salée. Les pertes atteignent la somme de... Il aurait mangé et volé pour 5,2 millions d'yens, ce qui fait... environ 45 000 euros, hein. Ouais. La tarte tropézienne, le 4 quarts au pruneau, j'aime tous les gâteaux. Alors ce qui est étonnant dans ce fait divers, Guillaume Loiret, c'est que ce voleur ne s'intéresse pas aux pâtisseries classiques japonaises, peut-être qu'il n'y en a pas dans ce réfrigérateur, notamment les dorayaki. Alors, les dorayaki, ça vient d'où et pourquoi est-ce que finalement, c'est peut-être la pâtisserie qui est l'emblème du Japon. Bah effectivement, le voleur, il s'intéresse plutôt à des pâtisseries qui sont occidentales. Il ne trouve pas de dorayaki là. Alors, soit effectivement, il n'y en a pas, soit c'est pas son goût. Mais le dorayaki, c'est une pâtisserie japonaise traditionnelle, mais qui est réalisée avec une génoise qui n'est pas japonaise, qui vient d'Europe, qui vient des Portugais, en fait. Le dorayaki, c'est un dessert... C'est pas vrai, on ne peut pas dire que c'est un dessert, en fait, c'est une douceur. Les Japonais ne mangent pas de sucre à la fin du repas. Au Japon, normalement, le sucre, le gâteau, le bonbon, on va dire, c'est fait pour accompagner la cérémonie du thé. Et c'est le thé qu'on appelle le matcha, donc ce sont des feuilles de thé qui sont pilées, c'est un thé qui est assez mousseux et qui est très amer. Donc pour préparer le palais avant une cérémonie du thé, ou même avant un thé normal, c'est l'habitude japonaise, ce qu'on fait, c'est qu'on donne à l'invité le wagashi. Le wagashi, c'est la douceur japonaise. C'est la douceur faite selon les ingrédients et les règles de la douceur ou du dessert asiatique, dans le fond. Parce qu'en Asie, on n'a pas de produits issus de l'animal pour un dessert, il n'y a pas de lait. Donc ce sera essentiellement des légumes, et puis du riz, parce qu'on fait beaucoup de desserts et de gâteaux avec du riz. Et le dorayaki sont donc deux petites crêpes. Ça ressemble à de la génoise, mais c'est pas exactement pareil, c'est un peu plus spongieux. Deux petites crêpes, à l'intérieur desquelles on va mettre ce qu'on appelle l'anko. Anko, c'est le composant vraiment complètement classique, traditionnel des desserts asiatiques. Anko, ce sont des haricots rouges qu'on appelle azuki en japonais. Ces haricots rouges, on va les faire cuire dans de l'eau avec du sucre. Donc ils ressortent de ça un peu confit et sucré. Et c'est avec ça qu'on va fourrer ce petit dessert qu'on appelle, cette petite galette qu'on appelle dorayaki. Laboratoire. Voilà, c'est une vieille cave, ma foi, du 18e siècle, qu'on a refait, qu'on a entièrement recouvert d'inox, mais les murs sont bien derrière, hein. Comme dans la salle à côté, c'est tout voûté, c'est assez joli. Alors, Robin Gaillard, au-dessus, oui, c'est votre pâtisserie Tomo. Exactement. Ici, c'est le laboratoire, puisque tout est fait maison, tout est fait sur place, et tout est fait à l'ancienne, dans la cave, sous la pâtisserie. Et devant nous. Et devant vous, c'est le bac qui sert à cuire les haricots rouges, les azuki. Voilà, c'est un grand pot en cuivre, effectivement, qui vient du Japon, et dans lequel on fait confire les azuki, en fait. Pour regarder ? Bien sûr, avec plaisir. Alors là, vous avez deux étapes. La première étape, c'est une étape de cuisson. Donc on va les cuire à l'eau, ça va nous prendre quasiment une journée entière de travail, parce que c'est un petit peu long. Voilà. La cuisson à l'eau, et ensuite, ici, la partie confiserie. Donc une fois que c'est bien cuit avec différentes températures, différents bouillons, différents temps de repos, on arrive donc dans le cuivre, et là on va le porter à peu près à 230 degrés, et on va ajouter le sucre petit à petit, pareil avec des temps de repos, et ça va confire un peu comme les marrons glacés, ou la crème de marron, un peu dans l'esprit. Voilà, bon, le goût est quand même assez différent, mais en termes de texture, c'est ça. Romain Gaillard, la première fois que vous avez mangé un dorayaki, c'était quand ? Voilà, c'était il y a fort longtemps, je pense que j'étais adolescent, et ça devait être chez Toraya à Paris. C'est vrai que c'est un peu la maison historique des Wagashi à Paris. Ils nous ont fait un peu découvrir ça. Bon, moi, ensuite, je suis allé au Japon pour les connaître un peu mieux, parce qu'il y a un peu qu'eux qui faisaient ça à l'époque à Paris. Donc, au Japon, j'en ai mangé beaucoup. J'en ai mangé vraiment énormément. Et alors, qui vous a enseigné l'art de préparer le dorayaki à Paris ? Moi, j'ai commencé en stage chez Aida, qui a une étoile Michelin dans le 7e. C'est un restaurateur. C'était un des premiers, je crois, d'ailleurs, à avoir une étoile en restauration japonaise teppanyaki. Et puis ensuite, j'ai travaillé au Japon, donc j'ai continué d'apprendre au Japon. Et en revenant ici, nécessairement, j'ai voulu les faire découvrir un peu aux Français. Mais ça reste quand même assez confidentiel, hein, des Français en général. Donc voilà. Ce dorayaki, c'est un peu un symbole de la nourriture japonaise, parce que d'une part, la garniture, donc le haricot rouge, c'est complètement asiatique, c'est complètement chinois. Les Japonais tiennent ça de la Chine comme un certain nombre de choses chez eux. Par contre, le gâteau, la génoise, elle vient d'Europe. Elle est arrivée par la mer, elle est arrivée par le biais des missionnaires portugais. En gros, la première rencontre du Japon et de l'Occident, c'est vers 1550. Il y a des marins espagnols, les missionnaires portugais arrivent ensuite. Ils débarquent dans la région de Kagoshima et montent ensuite à Nagasaki. Donc là, on est à l'extrême sud-ouest du Japon. Et dans leur bagage, il y a des choses que les Japonais n'ont jamais vues. Des crucifix, notamment, des longues vues, des livres d'anatomie, etc. Et puis, il y a certains desserts, certains mets, notamment les fritures tempura, et puis aussi l'usage du sucre dans la génoise et dans les crêpes que les Japonais ne connaissaient pas. Et les missionnaires portugais, et puis de toute façon le christianisme, tout le monde va être expulsé au début du 17e, la religion devient interdite au Japon, mais les Japonais vont garder ce qu'ils ont, leur semblait quand même important, et notamment la manière de faire la génoise avec de la farine et des œufs. Et ça va donner ce qui est devenu au Japon aujourd'hui probablement la douceur la plus populaire qu'on appelle l'orayaki. Et jusqu'en 1914, Guillaume Loiret, ce dorayaki, c'est une seule génoise avec du haricot rouge. Et en 1914, donc, un pâtissier japonais à Tokyo invente la couverture. Et donc, ce dora, c'est presque la forme d'un gong aussi, il faut le dire. Voilà, c'est pas que la forme, parce que dora veut dire gong, hein. Donc, en japonais, les Japonais ont inventé, trouvé une légende qui pouvait raconter ça. C'est celle de... Alors, il y a dans l'histoire japonaise, il y a un chevalier sans peur et sans reproche qu'on appelle Benkei. Benkei, c'est un moine soldat, il lui arrive toutes sortes d'aventures, il participe à toutes les guerres qui précèdent la période Edo. Et bon, en tout cas, il y a une aventure dans laquelle ce Benkei doit remercier un paysan qui l'a caché, parce qu'il était poursuivi, et il n'a qu'un gong sur lui, il n'a pas d'argent ou de choses à lui donner, mais grâce à ce gong, il va le renverser et il va s'en servir de plaque de cuisson. Et effectivement, au début, visiblement, donc c'était... Alors c'est important, c'est un dessert qui était ouvert. En général, les desserts japonais sont fermés, c'est-à-dire que le contenant enveloppe complètement le contenu, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, même si on le sait. C'est comme un cadeau, absolument. C'est un cadeau qu'on va ouvrir avec les dents, du coup. C'est vrai que c'est important au Japon, on ne voit pas en général l'intérieur de certains plats et l'intérieur des douceurs et de ce qui est sucré. Dorayaki, c'est différent. Au contraire, on va mettre en avant ce qui est appétissant, c'est-à-dire donc le haricot rouge avec cette couleur qui est grenaille, une consistance un peu de crème de marron. Et effectivement, probablement sous l'influence d'habitudes alimentaires occidentales, parce que le Japon donc s'ouvre à l'Occident vers 1870, quand le dorayaki devient un petit sandwich 1914, le Japon s'est occidentalisé vraiment à marche forcée très rapidement, c'est ce qu'on appelle la période Meiji, la période des Lumières. Et les habitudes vestimentaires, intellectuelles et alimentaires de France, d'Allemagne et de Russie principalement, surtout de France et d'Allemagne, sont très importantes au Japon. Donc, je vais peut-être un peu loin pour dire ça, mais il est probable que la forme de sandwich avec la garniture visible que va prendre le dorayaki début XXe siècle, elle vienne de nos habitudes françaises et européennes, ouais. Le dorayaki, Guillaume Loret, c'est aussi l'objet d'une fiction en 2015 de Naomi Kawase, donc cette grande cinéaste documentariste qu'on connaît pour des sujets sur la disparition, la gémilité, enfin des choses très très profondes. Et tout d'un coup, il y a 2 ans, elle raconte une histoire de gâteau, donc dorayaki. Mais le titre japonais, c'est pas Délices de Tokyo, c'est quoi ? Oui, en japonais, le film s'est appelé An. Et An, ça veut dire la pâte de haricots rouges sucrés. On dit An ou Anko. Donc le distributeur du film en France a eu besoin de faire quelque chose qui parle de Tokyo, qui évoque le Japon que les Français aiment bien ou croient à connaître. Mais pour les Japonais, le titre d'un film comme ça, c'est un film qui va parler de nourriture et qui, on le sait bien, ça va parler de transmission, de génération, de l'amour qu'on donne avec la nourriture. Les Japonais, c'est pas étonnant, préféreront juste le nom du plat, An. Ce qui... à la fois dit les sentiments qu'on va trouver dans ce film, et aussi, quand on dit seulement le nom de ce plat, les Japonais, ça leur évoque l'enfance. Anne, la pâte de haricots rouges sucrés qu'ils mangeaient quand ils étaient petits. Voilà, il y a un côté nostalgie gastronomique qui est important dans ce titre et dans ce film. Dans ce film, Les Délices de Tokyo 2015 par Naomi Kawase, Guillaume Loiret, on entend la phrase peut-être clé du film « Écoutez la voix des haricots ». Est-ce à dire qu'un plat, c'est un être vivant ? C'est pas très loin de ça. C'est pas très loin de ça. C'est très japonais comme idée, si on veut le relier à... quelque part à ce qu'on appelle le shintoïsme, qui est l'animisme japonais, et qui considère que n'importe quel élément naturel est la demeure d'un dieu. Ce qui conduit à sacraliser tout ce qui nous entoure, et donc à sacraliser, évidemment, ce qui pousse dans la terre et qui nous permet de vivre. Donc, voilà, pour pour les ruines du film de Naomi Kawase, effectivement, parler aux haricots, c'est parler au divin et à ce qui nous permet de nous rassasier. Et c'est vrai que le lien avec l'ingrédient chez les Japonais, il me semble plus important que dans notre cuisine à nous. Le lien avec le producteur de riz, si vous faites du sushi, ce sera quelque chose d'extrêmement important. Le lien avec le haricot que la dame fait cuire. En général, il y a un rapport d'amour qui me semble plus fort. Et a fortiori aussi dans la mesure où un restaurant japonais, en général, ça prépare qu'une seule recette. Vous êtes un restaurant de tempura, vous des frites, vous ferez que ça. Vous faites des nouilles soba, les nouilles de blé noir, vous faites que ça. Ce qui fait que vos nouilles de blé noir, effectivement, vous leur parlez, vous leur avez peut-être donné un surnom, vous les connaissez très bien, vous connaissez par cœur le temps de cuisson qu'il faut, etc. Pour le haricot rouge, c'est pareil. Romain Gaillard, arrêtons-nous sur la recette. Oui. Qu'est-ce qu'il faut apprendre pour bien faire un dorayaki? Il y a la pâte qui est un peu la génoise. Tout à fait. Et la pâte de haricots rouges. Les deux vont se composer en un dessert, mais ensemble. Racontez-moi la recette, mais quel est le plus difficile ou comment ça s'agrège? Alors, le plus difficile, clairement, c'est la cuisson des haricots rouges. Hein. C'est la fameuse blague des haricots qui ne veulent pas cuire. Là, clairement, c'est tout à fait ça. Ils ne veulent pas cuire, soit ils sont trop cuits, soit ils ne sont pas assez cuits, soit ils sont trop sucrés, pas assez sucrés. C'est vraiment l'étape difficile. Nous, on a des petits haricots rouges, donc des azuki, hein, les fameux, la variété japonaise. Ils viennent d'où, ceux-là? Ils viennent du Gers, ils poussent dans le Gers, voilà. Alors bon, il y a plusieurs choix, hein. Évidemment, vous pouvez les acheter de Chine, vous pouvez les acheter du Japon, et puis il y a des gens qui le font dans le Gers, une petite coopérative de producteurs qui font ça bio dans le Gers. Mais c'est vrai que ils sont plus secs, ils arrivent chez nous plus secs, même s'ils sont frais de la récolte. Résumons, le haricot rouge vient du Gers. Oui. Vous le mettez à tremper, Romain Gaillard, dans l'eau du robinet parisienne, exactement. Filtré. Oui. Ensuite, ça passe dans la cocotte. Oui, tout à fait. Là, il vient cuire. On va le porter à ébullition, le refroidir. La proportion d'eau, la proportion d'haricots, c'est quoi? Pour arriver à les faire cuire, c'est un énorme bain d'eau qu'on va faire bouillir. Ensuite, il y a un petit secret, ce qu'on appelle le bikkurimizu en japonais. C'est l'eau surprise. C'est-à-dire que vous les faites cuire, vous les portez à ébullition. Ensuite, vous jetez la moitié de l'eau et vous remettez un grand coup d'eau froide. Et en fait, ça les surprend, si vous voulez. Ils sont surpris de ce léger chaud-froid. Et là, on arrive à quelque chose qui les fait rider. En fait, vous avez une petite ride sur la pose du haricot. Et quand ils commencent à rider, vous savez qu'ils sont... Ouais, c'est le truc. Romain Gaillard, il y a un film de Naomi Kawase qui s'appelle « Délices de Tokyo », oui, que vous connaissez. On connaît, bien sûr. Qui raconte donc l'histoire des dorayaki. Un livre aussi, qui a reçu un prix récemment d'ailleurs. Une phrase clé de la vieille cuisinière, c'est « J'écoute la voix des haricots ». Écoutez la voix des haricots, tout à fait. Est-ce que vous faites ça? On les entend, en tout cas. On les entend cuire, clairement. Là, bon, c'est de la vapeur d'eau, hein, donc on n'a pas beaucoup de... Bon, là, on a beaucoup de frigo et de machines qui tournent, donc c'est difficile à entendre. Mais au-delà de ce bouillon, oui, que vous racontent les haricots rouges dans votre façon, dans votre art les traiter, de les cuisiner? Ouais, c'est vrai que c'est assez difficile, hein, même pour nous. À chaque fois, ils sortent à peu près pareil à chaque fois, mais pas toujours. Mais est-ce que la cuisson ou l'art de préparer le haricot rouge, ça dépend aussi de votre humeur? Si vous êtes fatigué, vous êtes mal luné, est-ce que ça influence? Ah ouais, bien sûr. Il y a un programme en japonais dont je ne me souviens plus en japonais, je ne pourrais pas vous le dire en japonais, mais qui dit que les gâteaux sont le reflet de la personne qui les crée. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça, surtout dans les wagashi, donc la partie japonaise vraiment traditionnelle. C'est des produits en général très simples, tout droit, il n'y a pas beaucoup de décor, il n'y a pas beaucoup de fioritures, il n'y a pas beaucoup de... c'est vraiment le produit. Et du coup, il y a l'humeur effectivement de la personne qui est dedans, parce que on va les laisser un peu trop cuire ou pas assez, on va les sucrer un peu plus selon quand on va les goûter. Et donc ça reflète tout de suite beaucoup plus effectivement l'humeur ou la façon dont tu as voulu travailler l'artisan en question. Guillaume Loiret, depuis 1988, à la télévision, un héros récurrent, une gourmandise, et sur les écrans, son nom c'est quoi? Alors c'est Anpanman, son nom. Anpanman, c'est le super-héros du petit pain. Dans le monde des dessins animés, ce qu'on appelle les animations et des bandes dessinées japonaises, depuis longtemps, il y a quand même un focus important sur la bouffe. Il y a des épisodes qui sont entièrement consacrés à un plat, une nourriture, etc. Je crois pas qu'on ait l'équivalent en France de séries animées ou de bandes dessinées qui fassent autant de place à la nourriture. Donc les Japonais ont toujours eu des super-héros qui étaient liés à la bouffe. Et il y en a notamment deux qui sont importants. Il y en a un, c'est Doraemon. Doraemon, c'est un petit chat, un chat robot qui adore les dorayaki justement, et à qui il arrive toutes sortes d'aventures parce qu'il recherche à en manger assez souvent. Et Anpanman, lui, c'est un héros dont la tête est constituée d'un anpan. Alors anpan, c'est un petit pain qui est fourré au haricot rouge, à l'azuki dont on parlait tout à l'heure. Et ce petit héros, la tête au pain fourré, ses camarades sont aussi des petites têtes de pain. Alors on a le pain de mie, il y en a un qui a un pain au curry. Ils sont tous à manger. Et ce Anpanman, il diffuse une espèce de morale sacrificielle, parce que Hanban, quand il est avec quelqu'un qui a très faim ou qui est faible, il lui permet de manger un morceau de sa tête. Donc il sauve la vie, etc., de la personne qui aura mangé un morceau, mais par contre Hanban derrière est très fatigué et il faut qu'il récupère, et à ce moment-là son père en fait lui prépare à manger. Les avez-vous déjà vus cuire ? Au Japon. Au Japon ? Romain Gaïa. Oui. Ça, c'est quoi ? Alors, ça, c'est... c'est la pâte, qui va nous servir à faire le dorayaki. Donc, ce fameux mélange œuf, farine, miel, mirine, un petit peu d'eau et une petite pointe de bicarbonate aussi, d'ailleurs, dont je ne vous ai pas parlé. C'est vrai qu'elle aide à faire gonfler un petit peu le biscuit. Hop là. Bon, il y a un contrôle de texture... Ça, c'est à l'œil, n'est-ce pas? Là, je vois qu'elle est un petit peu trop rigide, donc je rajoute un tout petit peu d'eau. Donc, une plaque, effectivement, à 180 degrés, température stable, c'est vraiment hyper, hyper important. On va déposer donc une petite quantité de la pâte à dorayaki sur la plaque. On va essayer de la déposer bien rond. Au niveau de la cuisson, quand on va être prêt à la retourner, ça va commencer à buller, un petit peu comme les pancakes, comme les blénis. C'est un petit peu à mi-chemin. Dès que ça commence à buller, il faut les retourner. Et une fois qu'ils auront été retournés, on va pouvoir contrôler la deuxième partie de la cuisson avec la petite bosse qu'ils vont faire. Ça forme donc une sorte de disque avec au milieu un petit dôme, un petit peu comme une madeleine en fait, hein, ça gonfle par le milieu. C'est un petit peu la madeleine des Japonais, le dorayaki. C'est un petit peu leur madeleine de Proust, parce que ça leur rappelle souvent leur enfance. C'est un vieux gâteau. Et voilà, dès que ça bulle, normalement, pof, on est bon. J'aime tous les gâteaux. Le millefeuille. L'éclair au chocolat. La charlotte à l'abricot, les îles flottantes, le Paris-Brest, le 4-quarts au pruneau, la tarte à la crème. Guillaume Loiret, résumons. Avant l'ouverture du Japon en 1853-1870, les Portugais missionnaires arrivent, certains se font couper la tête, mais on garde la pâtisserie qu'ils ont amenée dans leur bagage. Après, à l'ère Meiji, on va dire la pâtisserie ou la gourmandise qui vient d'Europe, du Sud, Espagne et Portugal, elle est digérée, elle est intégrée par le Japon. Mais est-ce qu'ils ont intégré aussi la notion de péché de gourmandise, qui vient peut-être aussi avec ces missionnaires chrétiens pour la plupart? Le péché, oui. C'est un mot qu'on peut pas bien traduire en japonais, le péché. En général, c'est ce que disent les anthropologues qui sont intéressés au Japon début 20e, c'est que c'est pas une civilisation du péché, c'est une civilisation de la souillure, de la tâche. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a des tabous qui sont liés à certains comportements, qui sont liés au sang, et à ce qu'on peut faire avec le sang. Mais, donc on peut souiller quelque chose, mais c'est pas une souillure morale comme ce qu'on entend dans nos cultures judéo-chrétiennes par péché. Donc le péché de gourmandise au Japon, on dit pas aux enfants japonais qu'il faut finir son assiette parce qu'en Afrique les enfants n'ont pas à manger. On dit pas ça, on reproche pas aux gens de manger. De manière générale, au Japon, on criminalise pas la gourmandise, la sexualité, etc. comme on le fait chez nous. Donc le péché de gourmandise pour les Japonais, c'est plutôt une qualité d'être gourmand pour eux. Je crois pas que non, on n'utilise pas ce genre de choses là-bas. Pour moi, la gourmandise là-bas au Japon, elle se voit plutôt dans les quantités. C'est-à-dire que les Japonais mangent, c'est très copieux. la cuisine au Japon. C'est très très copieux. Parfois, quand on a un plat, on a l'impression que c'est pour trois. Et ce qui est notable, c'est que c'est très copieux, mais que les Japonais sont sveltes. Donc on se demande où ils mettent tout ça. C'est à la fois, voilà, votre assiette peut être très copieuse, et puis c'est aussi, on dit souvent que la cuisine au Japon, la belle cuisine, c'est une manière de présenter les plats. Donc c'est rendre l'assiette appétissante et intéressante, et même jolie à regarder, c'est le spectacle du plateau japonais. Donc la gourmandise, pour moi, elle est plutôt dans les yeux, au Japon, dans la beauté, les couleurs, la fraîcheur des ingrédients qu'on va regarder, et aussi dans la quantité, parce qu'on peut se retrouver avec un énorme plat de pâtes, et comme ça, on aura de l'appétit, on sera content de l'avaler. Et voilà. Deuxième étape, après donc la cuisson du biscuit, Romain Gaillard. Alors, oui, tout à fait. Bah, là, on vient de faire cuire notre petit biscuit. Donc, il est tout bon. Il est bien doré. La texture est bien. Il est moelleux. Et on va le remplir, ma foi, on va le garnir de anko. Donc, puisque le nom des haricots rouges, c'est azuki. Ça, c'est le nom de la variété quand elle pousse. Et le nom de la pâte, c'est du anko. On vient donc effectivement la garnir au centre du biscuit et le refermer avec un deuxième petit biscuit. Pour terminer, on va faire chauffer un petit objet en laiton qu'on appelle un yaki-in. Donc en fait, c'est du laiton, c'est du fer et du laiton qui va être sculpté, voilà, en différentes formes traditionnelles. Vous avez des feuilles de cerisier, tout un tas de représentations selon les fêtes aussi, les fêtes et les moments importants de l'année au Japon. Nous, on en a fait faire avec notre petit tomo, donc les deux petites lunes, voilà, qui représentent l'amitié franco-japonaise. Et on va donc le chauffer directement dans la flamme. Et ensuite, on va venir tatouer notre petit dorayaki juste là. Ça va le griller un tout petit peu plus. Ça lui fait une espèce de petit tatouage, effectivement. On va le tester d'abord. Oh oui, il est chaud. Et voilà. Ça fume légèrement. On a une belle odeur de grillé. Guillaume Loiret, comment est-ce qu'on dit gourmandise en japonais ? Pour le gourmandise, les japonais utilisent le mot danyoku. Danyoku, le mot important là-dedans, c'est yoku, là, c'est un mot composé. Yoku, c'est le désir en japonais. On peut l'utiliser pour parler du désir charnel ou d'autres désirs. Et avec dan placé devant, ce sera plutôt le désir de s'alimenter. Moi, je pense à un autre truc, là, il y a quelque chose qui est espèce de raffinement érotique assez élaboré au Japon. Il y a une époque, et peut-être que ça se fait encore maintenant, dans certains clubs de gens friqués masculins, on mangeait des sushis qui étaient présentés sur le corps d'une femme qui était allongée et qui était complètement nue. C'est juste un corps, hein, donc le corps d'une femme nue, on a disposé tous les sushis sur son corps et on se sert à la main, parce que le sushi on peut le manger à la main au Japon, on se servait directement sur le corps de la femme. Et là, évidemment, la gourmandise, donc le danyoku, s'approche de ce qu'on appelle le seiyoku, le désir sexuel. Merci au journaliste Guillaume Loiret, spécialiste du Japon, et à Romain Gaillard, responsable de la pâtisserie franco-japonaise Tomo à Paris. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, réalisation François Test, une émission proposée par Michel Pomared. À suivre, la cuisine pour les hommes, ou presque.